AgroJ'écoute, ça commence maintenant. AgroJ'écoute, l'émission où les étudiants de l'école d'ingénieurs de Purpan prennent le micro pour nous parler d'agronomie, d'environnement, d'agroalimentaire et d'agriculture. AgroJ'écoute, une émission préparée et conçue par Sophie Yvon et Simon Giuliano. Les paysans ne sont pas les seuls dans le département de l'Aveyron à s'en prendre au symbole de l'industrie agroalimentaire. Tous les produits en cidre devraient être interdits. En partenariat avec Campus FM, l'Université fédérale de Toulouse et l'école d'ingénieurs de Purpan. Deux mondes se croisent sur les crêtes, celui qui vit ici et celui qui vient s'y évader. Vous êtes sur le podcast AgroJ'écoute et aujourd'hui on va aborder la question du partage de la montagne en période estivale. Nous sommes trois étudiantes de l'école d'ingénieurs de Purpan, donc je suis avec Colombe. Bonjour tout le monde. Avec Laurie. Bonjour. Et moi-même, Elisa. Au cours de ce podcast, on va partir en randonnée immersive à la rencontre de ceux qui habitent et partagent la montagne. Je vous invite à lâcher prise, c'est parti, on vous emmène en randonnée dans les Pyrénées ariégeoises. Vous venez de grimper 1000 mètres de dénivelé au cœur de nos Pyrénées. Une petite pause s'impose avec AgroJ'écoute. La montagne, victime de son succès. Randonnée, bivouac, élevage, comment apaiser la cohabitation en montagne? Tenez votre chien en laisse, contournez les troupeaux, les requêtes des éleveurs de montagne face aux pratiques touristiques irresponsables. À la lecture de ces différents titres d'articles, on sent que le partage de la montagne est vraiment un sujet controversé qui soulève différents conflits d'usage. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce sujet, Colombe? Bah ouais, t'as raison, la montagne elle accueille aujourd'hui une multitude d'acteurs puisqu'on compte 17% de la surface agricole française en zone de montagne et en 2024, sur les 248 millions de nuitées recensées dans les hébergements touristiques français et pendant l'été, environ 20% étaient effectués en montagne. Donc on a vraiment des acteurs présents pour des usages différents et on peut les penser complètement opposés. Est-ce que ça a toujours été le cas ou aujourd'hui c'est vraiment un phénomène qui est amplifié? Alors non, ça n'a pas toujours été le cas. Historiquement, la montagne en termes d'activité, c'était avant tout un espace qui était pastoral. Donc avant toute chose, est-ce que Elisa, tu peux nous dire ce que c'est le pastoralisme? Oui, alors selon l'Association française du pastoralisme, le pastoralisme représente l'ensemble des activités d'élevage valorisant par un pâturage extensif les ressources fourragères spontanées des espaces naturels et visant à assurer tout ou en partie de l'alimentation des animaux. On a également Alain Bourbouze, qui est enseignant-chercheur au Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes, qui met particulièrement en avant la notion d'élevage extensif. Il explique que le principe économique du pastoralisme repose sur le fait de transformer en viande et en lait, à faible coût, la biomasse végétale riche en cellulose. En fait, le pastoralisme, c'est une pratique qui s'insère parfaitement dans la transition agroécologique, puisqu'elle permet de valoriser des prairies, donc des terres agricoles qui ne seraient pas valorisables et exploitables autrement, à cause notamment de la topographie et du climat assez extrême qu'on retrouve en montagne. Donc finalement, c'est une pratique agricole qui valorise de façon directe et renouvelable des ressources naturelles. Bah maintenant qu'on a un petit peu défini le terme, on peut un peu parler du contexte historique. Donc le pastoralisme, c'est une activité qui est très ancienne. Elle remonte à la préhistoire, donc à environ 10 000 ans. Et en fait, elle s'est adaptée aux évolutions historiques et géographiques qui l'ont façonnée, notamment avec le nomadisme et la sédentarisation. Par exemple, le sommet de l'élevage, il nous dit que le pastoralisme, il a pris différentes formes selon les espaces et les sociétés. Donc on a les Maasai en Afrique qui déplacent leurs troupeaux en fonction des saisons pour trouver de nouveaux pâturages. Ou alors dans les steppes d'Asie centrale, des éleveurs nomades qui ont élevé des chevaux, des chameaux et des moutons. Et ça, ça a joué un rôle essentiel en fait dans les anciennes routes commerciales comme la route de la soie. Mais aujourd'hui, elle est à qui la montagne? Est-ce que vraiment elle est à quelqu'un? Et surtout, selon le point de vue ou la prise de position qu'on aborde, ça peut être très différent. Par exemple, Colombe, si je te dis montagne, qu'est-ce que ça t'évoque en tant que randonneuse? Moi, la montagne, c'est vraiment un espace sauvage où la liberté, elle prime par-dessus tout. C'est un grand espace qui me permet de m'évader et quand j'en ai besoin, vraiment un endroit où se ressourcer. Voilà, donc c'est vrai qu'en fait, quand on a tendance à penser à tout cela, on se dit que c'est un espace sans normes, sans règles. Et c'est dans un article scientifique de l'Université de Genève que l'on nous dit que la manière la plus courante en fait et récurrente d'imaginer la montagne, c'est de la considérer comme un ailleurs, un autre. Et pour l'imaginaire collectif, on va associer la montagne avec un espace qui est libre, donc sans normes, très peu fréquenté et très sauvage. Et cette vision-là, bah, elle peut notamment s'expliquer par la sensation en fait, que nous procure la vision du paysage, très différente des grandes plaines, et l'expérience de l'ascension, surtout pour les randonneurs. Mais pour certains, il en va autrement, notamment pour ceux dont la montagne en fait, représente leur espace de travail. C'est dans l'article « Cohabiter en alpage » qui a été publié dans Revue de géographie alpine qu'on parle notamment en fait, de la méconnaissance des pratiquants de randonnée sur le métier de berger et l'activité pastorale en général, où ils ont tendance à invisibiliser le métier de berger et selon en fait, cette enquête sociologique, l'imaginaire récréatif il va prendre le dessus sur la montagne pastorale. Donc les randonneurs ils auraient du mal à voir la réalité du métier de berger aujourd'hui. On a, selon l'étude, en fait, un stéréotype d'un homme qui est un peu rustre, solitaire, qui fait partie du paysage de la montagne. En réalité, la profession, elle est très différente de ça aujourd'hui. L'activité, elle se féminise et elle se rajeunit. Les femmes, elles sont quasiment aussi nombreuses que les hommes dans les classes d'âge inférieures à 35 ans. Elles sont beaucoup moins nombreuses au-delà de 35 ans. Et en fait, associer une communauté avec une forme naturelle qui la caractérise, c'est une façon assez commune de penser la diversité sociale. Donc en fait, la montagne, elle sert de différenciation sociale, où sa géographie, elle est vue comme sauvage et naturelle. Et donc c'est ce qu'on va associer à l'image du berger. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'estive? Parce que j'ai l'impression que les enjeux qui y sont associés sont assez méconnus. Ouais. Bah, pourtant, pour les bergers et bergères, la montagne l'été, ça représente un espace de travail. Donc l'espace pastoral où l'enjeu de l'estive, il peut être lourd. Il faut réussir à garder un cheptel, parfois plus de 1000 brebis, pendant 4 mois, dans un environnement qui peut être hostile de par sa topographie, son climat et sa prédation. On peut penser notamment aux loups dans les Alpes. Donc pour eux, c'est pas un espace libre, sans règles et sans normes. Déjà sur site, il y a des équipements pastoraux, comme la cabane de refuge, et encore dans certains endroits, donc par exemple comme dans les Alpes, parfois des espaces clôturés comme, et parfois électrifiés en raison de la prédation à cause du loup. Donc pour garder le cheptel la nuit. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que selon les acteurs que l'on retrouve en montagne, on n'a pas du tout la même vision de l'espace, et pour certains, c'est aussi difficile d'imaginer une législation et des droits de propriété dans un environnement qui semble si sauvage. Mais donc justement, ces terres, elles sont à qui ? Eh bien, c'est un peu une question complexe avec plein de propriétaires différents. Donc il y a une grande partie des terrains qui sont privés, ils représentent 30 à 50% de la montagne. Ils peuvent être regroupés et sont souvent regroupés par des AFP, donc qui est l'acronyme de Association Foncière Pastorale. Et donc il y a un regroupement de propriétaires de terrains sur une zone de montagne. Les terres, elles peuvent être aussi en fait sous la protection de structures environnementales comme le CEN, donc le Conservatoire des espaces naturels, qui lui est propriétaire par exemple de sites protégés dans les Pyrénées-Orientales ou alors à côté de l'Ariège dans le parc naturel régional des Pyrénées catalanes. Et donc finalement au niveau de la gestion, c'est vraiment un endroit collectif où soit la commune propriétaire, soit le groupe d'éleveurs locaux va superviser la gestion et l'entretien de l'espace. Et c'est d'ailleurs grâce au fait que l'agriculture entretient le paysage que le tourisme est permis, puisqu'en fait le pastoralisme permet de garder la montagne ouverte et donc de permettre des activités récréatives, notamment en été. En fait, l'un ne va pas sans l'autre, et ça c'est le cas depuis bien longtemps. Je vous propose d'écouter des extraits d'un reportage sur la transhumance dans la vallée de la Maurienne. C'est un reportage qui a été réalisé en 2010 et qui traite de ce sujet. Moi je ne conçois pas l'agriculture de montagne sans le tourisme. Une quarantaine de vacanciers ont d'ailleurs accompagné les troupeaux jusqu'en haut. Et à cette activité primaire d'élevage en montagne, on a ouvert la ferme finalement à l'accueil du public. Vous êtes toujours sur Agro J'écoute. Donc en effet, en montagne, agriculture et tourisme sont profondément interdépendants et se renforcent mutuellement. C'est l'agriculture qui façonne les paysages qui attire les visiteurs, puisque le pâturage entretient les espaces ouverts, empêche l'enfrichement et dessine les panoramas emblématiques de la montagne. Ça permet également d'entretenir les chemins de randonnée qui sont utilisés l'été. Enfin, ça a un rôle très important sur le plan environnemental, puisque ce sont les prairies pâturées qui jouent un rôle essentiel, puisqu'elles permettent de limiter le risque d'avalanche en hiver, mais également de réduire le risque incendie et ainsi de contribuer à la sécurité et à la pérennité des activités récréatives. Le tourisme en montagne s'appuie également sur une forte identité traditionnelle liée à l'agriculture de montagne, puisque les pratiques pastorales et les modes de vie agricoles suscitent grandement la curiosité des visiteurs. En effet, beaucoup viennent pour découvrir la transhumance, La vie en alpage, passer des nuits en refuge, ou encore participer à différentes activités d'élevage. C'est également pour découvrir les produits du terroir, puisque en effet on retrouve énormément de produits locaux et traditionnels en montagne, notamment des produits laitiers. En effet, sur les 46 AOP laitières, donc les appellations d'origine protégée, on en retrouve 13 qui sont produites en montagne, donc un fort savoir-faire en montagne. On a également beaucoup d'exploitations qui commercialisent en circuit court, et un cinquième des exploitations qui commercialisent en vente directe, ce qui témoigne d'une économie agricole fondée sur la proximité, la qualité et la valorisation du terroir. C'est dû au fait que l'agriculture de montagne a vraiment dû s'adapter au territoire, notamment à cause de la topographie, du climat, mais également de l'isolement. Et en contrepartie, le tourisme est un pilier économique pour les exploitations de montagne, puisqu'il génère des débouchés indispensables pour les produits fermiers, soutient la pérennité des circuits courts et offre des compléments de revenus, via notamment l'accueil à la ferme, les visites ou l'hébergement. Donc finalement, on retrouve des bénéfices réciproques entre agriculture et tourisme. Et en plus, le pastoralisme, il permet la conservation des races locales. Donc c'est des races beaucoup plus rustiques et beaucoup mieux adaptées à l'environnement montagnard. On entend aussi des impacts agronomiques et parfois des impacts négatifs, notamment avec le piétinement des touristes qui vont aller marcher en dehors des troupeaux, en dehors des sentiers, pardon. Et du coup, ils vont écraser les prés et diminuer la ressource fourragère. Et aussi, est-ce qu'il n'existe pas d'autres concurrences pour l'élevage ? Et oui, tu as raison, Laurie. C'est vrai qu'il existe d'autres formes de concurrence, et notamment au sein même de l'agriculture. Déjà, c'est peut-être important de dire que la montagne, ça représente un secteur agricole important. Il me semble que c'est 17% de la SAU. Et ensuite, au sein du secteur, on observe une grande majorité d'élevages, donc notamment bovins lait, bovins viande. Et les systèmes spécialisés au vin, ils représentent 12% par exemple. Et donc cet élevage, il regroupe plus de la moitié des exploitations en montagne. Donc il y a une cohabitation des différentes activités, mais elle est répartie de manière inégale. Ou par exemple, le maraîchage, par la topographie hein, notamment, il représente que 2% de l'activité en montagne. Oui, c'est vrai. Et on a d'ailleurs plusieurs exemples de maraîchers en montagne qui ont rencontré des difficultés pour accéder au foncier. C'est le cas par exemple de Jennifer, dont l'histoire est racontée dans le film de recherche « Demain la vallée ». Qui, elle, était installée sur des terres et elle a dû les... Enfin, en fait, elle était en fermage sur ces terres, c'est-à-dire qu'elle les louait. Et elle a dû les céder à des éleveurs qui, eux, avaient les ressources financières pour pouvoir les acheter. C'est également le cas de Benoît Desrennes, qui s'est installé dans les Alpes et qui, lui, a fait face à une réelle compétition pour l'accès aux fonciers, puisqu'il était en concurrence directe avec des éleveurs qui souhaitaient agrandir leur ferme et pour pouvoir bénéficier de l'aide de la PAC, une vache, un hectare. Donc la PAC, c'est la politique agricole commune qui est mise en place à l'échelle de l'Union européenne. Et lui, par contre, dans sa situation, il pouvait prétendre à aucune aide de la PAC. Et oui, je voulais rebondir sur ça, Elisa. La PAC, elle favorise les systèmes de grande culture et de production céréalière destinés au bétail, ou alors, comme tu disais, le système une vache, un hectare, au détriment de productions à petites échelles comme le maraîchage. Et donc, cela va vraiment accroître la concurrence au sein même de l'agriculture, car en montagne, les terres cultivables et adaptées au maraîchage restent très rares. Oui, et d'ailleurs, le CNIL, donc le Centre National Interprofessionnel de l'Économie Laitière, a constaté entre 2005 et 2022 une diminution de 43% des exploitations bovines en zone montagne. Colombe, est-ce que tu as des idées pour maintenir les deux activités ? Alors oui, il existe des leviers pour permettre une bonne cohabitation. Donc déjà, autour de plusieurs acteurs, donc les instituts publics, les associations ou alors encore les citoyens, et aussi selon plusieurs types d'aides, donc financières ou alors des campagnes de sensibilisation, de communication. Il existe aussi un autre type d'aide, donc c'est les ateliers de concertation de territoire. Et concrètement, comment ça se manifeste, ces ateliers de concertation ? Eh bien, je peux vous donner un exemple, donc un atelier qui a été mis en place par l'Agence Pyrénéenne, qui a été nommé « Tourisme et pastoralisme, les liaisons heureuses ». Et donc, il a mis autour de la table pendant un jour différents acteurs, donc la chambre d'agriculture, le maire de la ville, le producteur de la ville, le département, un responsable de location pour touristes. Et ils ont échangé autour de plusieurs questions, comme comment et pourquoi le pastoralisme peut nourrir l'économie touristique pyrénéenne, ou alors quels sont les conflits actuels et futurs entre pastoralisme, tourisme et loisirs de montagne. Et donc à la fin de cette journée, ils ont créé une esquisse de charte pour permettre la bonne cohabitation dans la région. Ok, donc si je comprends bien, il y a différents leviers qui peuvent être de différentes natures, donc soit financiers, sous forme de subventions, ou alors des ateliers de concertation territoriale, quoi. Et en fait, ces différents leviers, on peut les lier à la transition agroécologique, notamment par la méthodologie utilisée. Je pense notamment à l'exemple dont tu viens de nous parler de concertation territoriale, où c'est des leviers qui sont typiquement des exemples où on cherche à impliquer les acteurs et à responsabiliser le collectif pour s'emparer du sujet. Et ça, dans de nombreux sujets de projets de transition agroécologique, l'implication en fait, du collectif directement, elle permet un succès de ces alternatives. C'est également l'exemple dont tu parlais tout à l'heure du film « Demain la vallée ». Et cette transition, elle se traduit par une coévolution de changements techniques et sociaux du secteur agricole. En résumé, ce qu'on peut retenir de cette première partie, c'est que la montagne se partage entre activité agricole de production et activité récréative, et que ces deux activités sont loin d'être cloisonnées et qu'elles peuvent même être interdépendantes. Maintenant qu'on s'est bien baladé et qu'on a parcouru les sujets de pastoralisme, tradition, agriculture, tourisme, politique agricole commune et encore gestion par le collectif, on vous laisse arriver tranquillement au refuge et profiter d'une courte pause musicale. Vous êtes toujours sur le podcast Agro J'écoute. Après un chant de Ribeiras et Montagnas, à présent on accueille Arnaud Bacon. Bonjour Arnaud. Bonjour. Arnaud est berger et accompagnateur de haute montagne en Ariège. On va donc découvrir avec lui comment se passe concrètement ce partage de l'espace entre agriculteurs et touristes. Bonjour Arnaud. Donc déjà, quand on vous dit montagne, à quoi vous pensez ? Surtout à travail, parce que c'est deux actifs. Enfin, c'est un lieu où je travaille et où les deux côtés de ce qu'on a dit tout à l'heure là, où je suis accompagnateur hébergé. Du coup, c'est vraiment un lieu de travail pour moi. Et est-ce que tu vois aujourd'hui, c'est un lieu de travail, et est-ce que tu y associes également un côté sauvage et libre où tu te ressources ou pas vraiment ? Je pense que la première approche que j'ai eue de la montagne, c'était donc comme un randonneur. Donc j'ai eu cette approche-là de, je cherchais à s'évader, voilà, à chercher une nature sans la présence humaine forcément. Mais j'avais déjà un petit peu conscience que c'était le mot sauvage était très compliqué à trouver en montagne. Quand je pense au monde sauvage, je pense plutôt à des étendues comme la Sibérie ou l'Alaska ou l'Antarctique, mais je ne pensais pas forcément à la montagne. Mais c'est un espace de liberté et c'est comme ça que je l'ai vu au tout début. Mais pour beaucoup, ça reste encore cet espace de liberté, notamment pour les touristes, les randonneurs qui viennent s'y promener. Et comment est-ce que toi, tu vis la cohabitation dans cet espace pastoral qui est pour toi ton lieu de travail ? Alors, dans un premier temps, je dirais que je la vis mal, parce que comme je suis berger l'été, je suis surtout très exposé en fait à tous ces conflits, à ces potentiels conflits et aux conflits que je vis chaque été. Ça peut passer par beaucoup, beaucoup de choses. Il y a des intrusions des fois dans les cabanes, il y a beaucoup de déjections autour de mes cabanes, il y a énormément de problématiques lié aussi à tout un tas de questions, à la sursollicitation dont on a et dont on n'est pas forcément formé en tant que berger salarié. Et donc, c'est des moments où moi, je vis ça comme un moment... Enfin, j'ai l'impression d'être vraiment le dernier maillon de la chaîne de ce tourisme et de cette agriculture de montagne où je suis juste exposé. C'est-à-dire qu'il y a des agriculteurs qui veulent cette cohabitation, comme on a entendu tout à l'heure, qui peut leur tirer bénéfice de ça. Et moi, je suis le dernier maillon de la chaîne qui n'a pas forcément choisi de prendre part à ça. Et du coup, j'ai les conséquences directes. Donc, j'ai tous les inconvénients liés à le fait d'habiter sur place et de subir en fait ces interactions qui sont souvent non voulues. C'est pas forcément, elles sont pas forcément négatives parce que heureusement, comme je suis accompagnateur, je peux avoir des temps de médiation où je peux un petit peu expliquer ce qui se passe en montagne ou les bons comportements à adopter. Mais c'est souvent, comme je suis berger aussi, et c'est un moment où j'ai pas forcément choisi de faire de la médiation. Oui, justement, selon une enquête d'EcoHelp, on avait vu que 85% des bergers considèrent que la médiation fait partie de leur activité. Donc, toi, c'est quelque chose que tu es obligé de faire. Enfin, comment tu le... Alors, moi, j'entends que on est un peu obligé de la faire par défaut, mais c'est quelque chose qui, moi, me chagrine énormément et même m'attriste de savoir que c'est quelque chose que mes collègues bergers-bergères et gardiens de troupeaux font et estiment que c'est à eux de le faire. Moi, j'estime que c'est aux collectivités territoriales de prendre leurs responsabilités. C'est eux qui encouragent un tourisme de masse. C'est eux qui encouragent par des politiques. C'est eux qui encouragent par aussi des actions menées de favoriser tout ce qui est de l'économie rurale qui est complètement en bouleversement. Il y a énormément, là où j'habite actuellement, en montagne aussi, il y a énormément de résidences secondaires, énormément de gîtes. Et en fait, le monde rural de montagne change énormément et très rapidement parce qu'il est encouragé par des politiques pour essayer de dynamiser les vallées. Et donc, c'est le dynamisme, il ne le voit que par le prisme du tourisme de masse. Et pour moi, je trouve que c'est une très grosse problématique parce que je c'est pas comme ça du tout que je le conscientise. Je le vois surtout comme une conséquence, en fait. Et moi, la médiation, c'est quelque chose que j'aimerais que les collectivités s'emparent et que ce soit à eux de payer des médiateurs pastoraux. Alors, c'est le cas notamment en Ariège, où il y a de plus en plus de postes de médiateurs pastoraux qui essayent de se mettre à des endroits clés pour essayer de capter et d'essayer d'éduquer un petit peu les bons comportements à avoir en montagne. Ça se fait aussi dans certains parcs nationaux, mais voilà, c'est des politiques qui mettent du temps à mettre en place. Il faut former des gens pour qu'ils soient en capacité de proposer une bonne médiation. Et voilà, c'est ce qui un petit peu me dérange quand j'entends que des collègues puissent le faire et estiment que c'est à eux de le faire. Alors que dans nos contrats de travail de berger salarié, on n'a pas du tout l'option médiation. Et justement, quand toi tu dois le faire par défaut, comment ça se manifeste? C'est toi qui vas vers les touristes et qui leur parle ou c'est quand ils passent devant toi? Souvent, c'est plutôt un moment de, je l'appelle ça, de pré-conflit. Ouais. C'est-à-dire que c'est des gens que je vais voir avec des chiens, avec leurs chiens à eux, souvent pas attachés. Et en fait, je suis obligé d'aller vers eux pour leur spécifier qu'il y a un troupeau, que je suis là, que je suis le berger, et qu'il faut attacher son chien quand il y a des brebis pas très loin, quoi. Parce que souvent, les gens imaginent que leur chien est souvent très gentil et souvent, c'est... on va dire à 90% le cas, et qui ne va pas s'occuper des bêtes. Mais les chiens qui sont en capacité de monter en montagne, il y a énormément de border collies qui sont aussi les chiens que nous, on utilise pour le travail. Et en fait, c'est des chiens qui ont un instinct naturel à aller vers les troupeaux. Et donc, c'est des chiens de compagnie qui sont très résistants à l'effort physique et qui se retrouvent là-haut en montagne pour des chiens de compagnie, mais qui peuvent déclencher ce qu'on appelle un instinct naturel au chien à aller au troupeau, quoi. Et c'est souvent donc ces moments-là où moi je vais vers eux volontairement pour leur spécifier qu'ils ont un mauvais comportement et j'essaye de rendre ce moment-là le plus paisible possible. Malheureusement, c'est pas toujours le cas parce qu'il y a des situations qui font que, par exemple, les gens ne veulent pas réattacher leur chien ou l'attachent et puis 10 mètres après le détachent. Et souvent, ça entraîne, on va dire, un haussement de ton, dans le meilleur des cas. Et souvent, malheureusement, on ne peut pas leur obliger quoi que ce soit. On n'est pas non plus dans une répression. On essaye juste de demander aux gens du respect. Et alors, il y a beaucoup de panneaux informatifs à l'entrée de chaque vallée, de chaque début de randonnée. Il y a énormément de panneaux qui font déjà ce pré-travail-là. Si en plus, il y a des médiateurs pastoraux qui font le travail en plus, ce qui fait que nous, quand on arrive là-haut et qu'on a des gens qui qui du coup a un mauvais comportement en termes de respect par le travail qu'on fournit là-haut, eh bien nous, on nous aura déjà pré-mâché le travail et on va dire que ce sera plus apaisé. Voilà, c'est un peu les situations que je rencontre dans un premier temps. Après, je peux rencontrer des gens qui viennent à ma cabane, qui pensent que c'est un refuge et qui, du coup, me demandent s'ils peuvent acheter du vin, s'ils peuvent laisser leur poubelle, s'ils peuvent prendre une douche, s'ils peuvent aller aux toilettes. Enfin, voilà, il y a énormément de... Moi, ma cabane, elle est certes accessible dans le sens où elle est visible par tout le monde. J'habite pas dans une... C'est pas une résidence de cabane avec une clôture autour de ma cabane, mais par contre, je suis sursollicité et donc j'ai des moments de repos qui peuvent être compliqués à mener quand on est notamment sur des estives très fréquentées par le tourisme. Il y a aussi des collègues travailleurs et travailleuses qui partagent leur espace de repos, c'est-à-dire que la cabane, il y a un côté randonneur et un côté salarié, et ce qui est très difficile à faire cohabiter. Et du coup, est-ce que l'exemple donc, du médiateur pastoral, c'est ça, est-ce que tu as vu des conséquences positives à ça, où tu avais l'impression d'être, enfin je ne sais pas si tu l'as vécu toi-même, mais d'être davantage respecté ou de pouvoir exercer ton métier plus facilement ou pas? Alors pas encore, je dirais que ça va dans la bonne voie, dans le sens où je vois de plus en plus de médiateurs pastoraux chaque été, mais l'incidence culturelle, parce que c'est surtout ça. C'est-à-dire que le tourisme de masse aujourd'hui qui est fait en montagne est très compliqué parce que les gens qui viennent à la montagne n'ont pas forcément la culture de la montagne, n'ont pas forcément les codes de la montagne. Ce qui fait qu'ils ont ces comportements déviants, mais sans jugement aucun, c'est juste qu'ils ne savent pas. Et donc les panneaux servent un peu à éduquer, les médiateurs servent à éduquer, mais c'est, comme c'est culturel, c'est quelque chose qui se met en place sur des ampleurs de plusieurs années. Donc ça va mettre énormément de temps pour pouvoir que moi j'en vois les bénéfices sur mon travail. Pour le moment, on va dire que ce n'est pas le cas, mais je garde espoir. On parlait des leviers tout à l'heure, donc tu fais partie du PETR Ariège. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que c'est et sur leurs actions? Par exemple, ils ont rédigé une charte de médiation montagne. Et dans cette charte, on a la question de la gestion des chiens de protection avec les touristes. Donc comment se comporter face aux patous? Enfin, on pourra en parler dans un second temps, mais voilà, tu peux nous dire un peu plus dessus? Ouais. Alors le PETR, c'est un plan, c'est un groupe de travail en fait qui... Enfin, moi je participe à un groupe de travail de ce plan-là. C'est un plan territorial pour un peu dynamiser et un petit peu mettre voilà, les gens autour de la table, un peu comme l'Agence des Pyrénées l'a fait. Et le but, c'est d'essayer de trouver, alors pas forcément un consensus ni un compromis, mais un petit peu que chacun ait un espace de travail pour qu'on puisse parler de nos problématiques, de nos enjeux et de surtout trouver une solution à tout ça. Aujourd'hui, alors la charte, elle est, on va dire, c'était un peu une base. C'était d'éditer donc quelque chose qui engage les acteurs de la montagne et les acteurs du tourisme et les randonneurs, qui est un espèce de lieu commun où ça puisse s'installer. Alors aujourd'hui, on est dans une phase de travail, hein, on n'est pas encore dans la finalité, mais c'est déjà un premier levier où les collectivités décident de mettre de l'argent là-dessus, qui va ensuite être dédié, après cette charte, sûrement à des postes de médiateurs pastoraux qui vont se fidéliser dans le temps, voire augmenter ou mettre des actions précises sur des lieux à des moments de l'année. Par exemple, il y a des vallées pyrénéennes, notamment en Ariège, qui sont surfréquentées. Et donc le but, ça va être de mettre l'accent à ces endroits surfréquentés, quoi. Si je comprends en fait ce que tu dis, c'est que c'est quand même un processus sur long terme et qu'il faut attendre avant de voir les externalités, on va dire, positives. Tout à fait. Okay. Comme c'est culturel, ça va mettre beaucoup de temps avant que les gens aient ces mœurs-là. En fait, aujourd'hui, le tourisme de masse, comme ça a pu être le cas aussi sur les gens aller à la mer et en fait entraîner une certaine pollution, où vous n'avez pas forcément les habitudes des codes des gens qui vivaient à la mer. Et donc, il y a un peu deux mondes qui se chevauchent. Et c'est un petit peu la même chose en montagne, quoi. C'est un peu plus exacerbé en montagne parce que c'est un milieu où les travailleurs sont souvent des travailleurs isolés. Et donc, du coup, ils viennent côtoyer. Ils ont l'impression d'être dans un lieu où où il n'y a personne, alors qu'en fait, on est là avec nos bêtes et c'est les bêtes qui se font souvent déranger. Moi, souvent, c'est ce que j'ai un peu cœur à dire, c'est qu'il ne faut pas tant le faire pour... Enfin, il faut le faire surtout pour respecter le berger et la bergère, mais il faut aussi le faire surtout pour respecter les animaux qui sont sur place. Donc, si les gens ont à cœur d'aimer la faune sauvage, j'espère qu'ils auront à cœur aussi de respecter les bêtes domestiques. Merci beaucoup Arnaud pour ton intervention et ton déplacement. On arrive déjà à la fin du podcast, donc on va conclure ici. L'espace pastoral, il apparaît comme un lieu particulièrement propice à la transition agroécologique. Donc on a vu qu'il y avait une concertation forte entre acteurs, des pratiques extensives sans intrants qui entretiennent les paysages et des produits à forte valeur ajoutée qui font vivre les territoires. Et donc finalement, à la question « à qui la montagne ?», qu'est-ce qu'on répond ? Eh bien, c'est un espace partagé sur lequel se croisent et cohabitent différents acteurs qui en font un usage différent, parfois complémentaire, mais parfois aussi divergent, qui peut aller jusqu'à créer des conflits d'usage. C'est pour certains un espace récréatif, pour d'autres un espace de travail, soit lié à l'activité touristique, soit à l'activité de production agricole, soit aux deux. C'est pour d'autres encore un endroit à préserver d'un point de vue environnemental. Enfin, en bref, c'est un espace sur lequel il faut concilier des intérêts multiples. D'autant plus qu'aujourd'hui, on est dans un contexte de crise agricole profond. Donc, c'est essentiel de maintenir des systèmes pastoraux durables parce qu'ils sont extensifs et capables de faire face aux défis climatiques. Donc, la cohabitation de ces espaces-là, elle est vraiment primordiale. Car l'avenir de l'agriculture de montagne est bel et bien menacé par le réchauffement et c'est en soutenant ces pratiques résilientes que l'on pourra préserver ces territoires vivants. En tout cas, merci beaucoup Arnaud d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci les filles d'avoir participé à ce podcast. Et puis merci beaucoup à l'École d'ingénieurs de Purpan, à la région Occitanie et à la communauté d'universités et d'établissements de Toulouse. Et enfin, un grand merci à Campus FM qui nous a permis de réaliser ce podcast. Voilà, c'est fini, vous êtes arrivés au bout de la rando. C'est à présent le moment du bivouac. Merci pour votre écoute et à bientôt sur AgroJ'écoute.